Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladoux au numéro de téléphone 418-276-4888. On va parler avec notre ami Daniel Tremblay des Castors de Dolbeau. Les Castors, en fin de semaine, étaient à Chibougamau pour deux matchs. On en parle avec Daniel. Salut, Daniel. Salut, Daniel. Ça va bien. Daniel, les années se suivent, mais ça ne ressemble pas. Les ambassadeurs avaient toujours une équipe très, très, très représentative. Ils arrivaient aux fêtes et l'équipe prenait son envol vraiment. Cette année, c'est plus difficile. Mais du côté des Castors, ben, les autres années, c'était difficile, puis cette année, ça va bien. Écoute, pour ce qui est des ambassadeurs, ouais. Je dois te dire que il leur manque pas vraiment grand chose pour que ça aille. Mm. Parce que c'est une équipe qui a quand même pas mal de talent. C'est une équipe qui est rapide. Cependant, c'est une jeune équipe. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus difficile que les autres années, mais ils sont quand même bien coachés. Puis moi, je suis pas inquiète qu'ils vont offrir de la résistance encore aux adversaires jusqu'à la fin de l'année. Puis ça peut être une équipe qui sera surveillée. Ben, après les fêtes, normalement, dans les années de Roch Beaulieu, c'était après les 20 fêtes, normalement, c'est l'équipe allait plus ou moins bien. Arrive après les fêtes, puis après les fêtes, ils prenaient leurs envols, puis étaient dangereux. C'était à tour, était ça avec Roch. Puis Michael, ben, c'est le lève à Roch. Fait que j'imagine qu'on peut s'attendre à ça aussi. Écoute, ouais. Je te dirais que Roch, je pense que ses équipes étaient toujours bonnes. Avant ou après les fêtes, c'est toujours une équipe qui était très bien préparée. Puis là, ben écoute, moi avec Michael, je suis pas vraiment inquiète. Comme je te dis, moi je pense que c'est vraiment plutôt l'âge de l'équipe qui fait en sorte que présentement ils connaissent un peu plus de difficultés parce qu'il manque vraiment pas grand-chose pour qu'ils soient... Bon, OK, on va y aller maintenant avec les deux matchs. Victoire de... Ben, écoute, je te suscite, on parle d'une victoire de 6 à 2. Ça, c'est dimanche, ça. Et 5 à 2, samedi. C'est bien ouais. Ça. C'est bien ça. Écoute, samedi soir, les joueurs ont embarqué sur la glace avec une seule idée en tête, c'était la victoire. Ils ont respecté les consignes à la lettre. Ils ont... je ne sais pas combien de lancers on a pu faire au filet parce que malheureusement ils n'ont pas été comptés, mais c'est incroyable. La gardienne de but a fait carrément la différence parce qu'on était les premiers à tous les points de vue sur la patinoire samedi soir, donc ça s'est sorti avec une victoire de 5 à 2. Puis dimanche après-midi, on a commencé à jouer. On perdait 2 à 1. Après la première période, ça avait fait 1-0 Chibougamau, 1-1, puis Chibougamau a pris les devants 2-1. Puis au début de la deuxième période, les joueurs c'est pas qu'on jouait pas bien, on jouait quand même très, très bien encore, mais ça voulait pas faire. Puis eux ont été très, très opportunistes. Puis en deuxième période, ça s'est mis à vouloir faire. Puis on est parti de là avec deux victoires, 5-2 et 6-2. Et puis là, vendredi, c'est tout un match en perspective. Je pense qu'au POC, vous êtes dans les 10 premiers au classement POC. et donc contre Saint-Félicien. Ça, c'est tout un match. Écoute, oui, effectivement, j'ai très, très hâte à demain soir pour ce match-là. Les classements POC, je peux pas le dire, nous et Saint-Fé, on se situe à quel endroit on est sûrement pas de je l'ai dit hier, il me semble, c'est quelque chose comme 4 ou 9, quelque chose de même. Là. Je l'ai parlé hier, enfin, on vit tellement de nouvelles qu'on s'en rappelle plus. Oui, effectivement, c'est pas quelque chose que je regarde vraiment, mais il y a des gens qui le regarde à ma place. Fait que je en suis informé quand même assez régulièrement. Mais écoute, oui, ça devrait être un excellent, excellent match. Moi, les joueurs sont prêts. Le système est préparé en fonction de ce match-là. On a une dernière pratique ce soir. Puis, c'est sûr que les gens qui vont être présents à l'aréna de Lebeau, ils vont assurément repartir avec une satisfaction d'avoir vu une très bonne partie. C'est le dernier match encore. Hein? Vous jouez seulement qu'un seul match, c'est ça? Oui, après ça, c'est le congé des fêtes. On joue un seul match encore. OK. Comment tu vas... Ben, on va en reparler plus la semaine prochaine de comment tu vas préparer ton équipe pour la période des fêtes. Comment tu t'enlignes? Tu vois, là, je suis au classement POC, Daniel. Le Marcos Pop est troisième actuellement et les Castors sont huitièmes. Vous êtes dans les deux premiers. Pas dans les deux premiers, mais dans les 10 premiers, les deux équipes. Donc, j'imagine que même si on ne regarde pas ça, c'est toujours les entraîneurs ne regardent pas ça, c'est toujours le fun. En tout cas, pour les journalistes, ça donne du bon stock à regarder ça, là. Ben, effectivement, vois-tu, le Marcos, qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont plus bas que nous présentement, c'est qu'ils ont plus de matchs à jouer avec des victoires. Par contre, au niveau des défaites, nous, on a moins de défaites qu'eux en temps réglementaire. On en a deux, puis eux en ont trois en temps réglementaire. Il n'y a pas une grosse marge, puis il y a une victoire ou une défaite, ça change de 4-5 positions tout de suite. Puis je pense que les tournois, c'est plus payant aussi gagner un tournoi, hein? Gagner plus tu te rends loin dans le tournoi, plus tu gagnes de points. Fait que nous, le seul tournoi qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a perdu en fusillade, en demi-finale. Donc, ça a quand même été assez payant à ce niveau-là. Puis là, on s'en va au tournoi de Mario Tremblay après les fêtes en bas, puis on va tout faire à notre possible pour respecter un parlementaire. Je vais parler avec ton beau-frère la semaine prochaine, non, mais moi, t'as dit qu'il est vendeur. Faire partir quelqu'un de l'Université de Boston puis le faire aboutir à Rouyn-Noranda, faut être vendeur, Daniel. Ce que Gilles Bouchard a accompli, là, c'est incroyable. Je sais pas quel speech qu'il a dit, là, mais certainement que si on le fait que son équipe gagne, puis c'est la meilleure équipe de la Ligue avec Val d'Or, une rivalité incroyable en passant, ça a dû peser lourd dans la balance. Hein? Ben écoute, moi je crois que oui, puis c'est sûr que Gilles travaille très fort, comme je l'ai déjà mentionné, puis il y a quand même une équipe alentour de lui qui l'aide dans ces choses-là aussi, là, qui travaille avec lui dans ce sens-là. Mais comme j'ai déjà dit, qu'est-ce qu'il a semé. Ouais. Puis c'est un travailleur acharné, puis en fin de semaine, aller-retour, à soir et demain, Val-d'Or-Rouyn, ça va être tout qu'un match. Puis écoute, je me souviens pas depuis combien de temps qu'il n'y a pas eu une équipe qui a été en première position du début de la saison jusqu'à la mi-saison. Puis là, c'est le cas des Huskies cette année. Les Huskies sont vraiment surprenants. Les observateurs prévoyaient Sherbrooke, prévoyaient Shawinigan. Mais de voir... Et déjà, les deux équipes, Daniel, avaient une rivalité extraordinaire. Mais là, les deux équipes sont les meilleures de la Ligue, là. Et imagine-toi la rivalité là-bas. Moi, Gilles m'a déjà conté que c'était comme Canadien Nordique un peu, là. Puis là, les deux. Ben écoute, moi je suis allé. Ouais. Moi j'ai assisté à 4 matchs. Ces deux équipes. Val d'Or à Rouyn. Des allers-retours, justement, comme il faut le soir et demain. Ouais. Là. Puis c'est quelque chose. c'est quelque chose. Il y a des autobus de spectateurs, puis c'est quelque chose. Il y a de l'animation des estrades. Puis c'est vraiment un très, très, très, très belle partie. C'est 45 minutes, je pense, les deux, hein? Il est trajet. Oui, à peu près, c'est pas de tête à l'heure. Ben, Daniel, on va se parler la semaine prochaine, même si c'est le 24, on va se parler du match contre le Marcos Pop de Saint-Félicien, puis comment tu entrevois les vacances des fêtes pour ton équipe? Ben, les vacances des fêtes, c'est parfait, on regarde ça le 24. L'instructeur-chef des Castors, Daniel Tremblay.